qu'il y a qu'elle qui peut me donner la banane. Je ne serai personne à l'embêter. Elle fait la tête quand je donne mon bédo. Quand je souris comme un imbécile, elle me fait oublier mes blèmes micro. Je vais au pirate, je suis algérien pirate. Tu sais, personne n'est parfait. Je pèterai les plombs parfois. À quoi me servirait le palais si ma princesse était pas là? Elle est jolie, elle est polie. Elle me connaît, je veux des dollars. Ma belle veut faire du papier. Faut que je reste clean si je veux pas la paix. Y'a les chemises, on va les tremper. Tant pis si j'ai les mains en l'air. Ma belle veut faire du papier. Faut que je reste clean si je veux pas la paix. Y'a les chemises, on va les tremper. Tant pis si j'ai les mains en l'air. Venga, venga. Je te l'avais dit, ma mira. Venga, venga. Je te l'avais dit, mamiro. Chivas ghetto. Ce soir, it's comme papa. Plus de numéro. J'suis sûr qu'elle rappellera pas. Pas d'état d'âme. Comme si j'avais vendu la mienne. J'ai vu la merde. Et j'veux pas qu'elle vive la mienne. J'la fais trembler quand j'conduis le V6. Elle me demande de quitter la Tessie. Elle comprend pas que j'fais la moula. Fais pas la mala sans boula. Je la fais trembler quand je conduis le V6. Elle me demande de quitter la Tessie. Elle comprend pas que je fais la moula. Parce qu'on fait pas la mala sans boula.